Histoire vraie. Un grand vent soufflait au dehors, un vent d'automne, mugissant et galopant, un de ces vents qui tue les dernières feuilles et les emporte jusqu'au nuage. Les chasseurs achevaient leur dîner, encore beauté, rouge, animé, allumé. C'était de ces demi-seigneurs normands, mi-hobereaux, mi-paysans, riches et vigoureux, taillés pour casser les cornes des bœufs lorsqu'ils les arrêtent dans les foires. Ils avaient chassé tout le jour sur les terres de Maître Blondel, le maire d'Esparville. Il mangeait maintenant autour de la grande table dans l'espèce de ferme château dont était propriétaire leur hôte. Il parlait comme un hurle, riait comme rugissent les fauves et buvait comme des citernes, les jambes allongées, les coudes sur la nappe, les yeux luisants sous la flamme des lampes, chauffés par un foyer formidable qui jetait au plafond des lueurs sanglantes. Ils causaient de chasse et de chiens. Mais ils étaient, à l'heure où d'autres idées viennent aux hommes, à moitié gris, et tous suivaient de l'œil une forte fille aux joues rebondies qui portait au bout de ses poings rouges les larges plats chargés de nourriture. Soudain, un grand diable, qui était devenu vétérinaire après avoir étudié pour être prêtre et qui soignait toutes les bêtes de l'arrondissement, « Monsieur Séjour !» s'écria. « Crébleu, maître Blondel, vous avez là une bobonne qui n'est pas piquée de verre !» Et un rire retentissant éclata. Alors un vieux noble déclassé, tombé dans l'alcool, monsieur de Varnotto, éleva la voix. « C'est moi qui ai eu jadis une drôle d'histoire, avec une fillette comme ça. Tenez, il faut que je vous la raconte. Toutes les fois que j'y pense, ça me rappelle Mirza, ma chienne, que j'avais vendue au comte d'Ossonel, et qui revenait tous les jours, dès qu'on la lâchait, tant elle ne pouvait me quitter. À la fin, je me suis fâché, et j'ai prié le comte de la tenir à la chaîne. Savez-vous ce qu'elle a fait, cette bête? Elle est morte de chagrin. Mais, pour en revenir à ma bonne, voilà l'histoire.